Désormais toujours seul. Quand le jour pleure et s'en va. Dans mon cœur triste et là. Semble teinter le glas. Et je m'en vais prier pour vous, loin de tout. Pour vous, ma prière d'amour. Monte dans le ciel lourd. Chaque nuit, chaque jour, pour vous, ma prière du soir. Monte dans le ciel noir. En lumière d'espoir. Pour vous, loin du monde et du je prierai chaque nuit pour vous, chaque croix du chemin n'entend qu'un chant divin. Sans fin, la prière éternelle des amours sans chagrin.